إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui on commence le inshallah on commence le cours numéro 24 dans l'explication du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم écrit par le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans son livre At-Ta'liq al-Qawim ala kitab اقتضاء الصراط المستقيم. Et on est arrivé à l'endroit يعني dans le livre, c'est le volume 1 à la page 180, le passage numéro 94, là où Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة صار الناس على ثلاثة أصناف مؤمن ومنافق وكافر فأما الكافر هو المذهر للكفر فأمره بين وإنما الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة فإنها هي التي تخاف على أهل القبلة. نعم. Donc au dernier cours, dans le dernier passage, on a expliqué les versets dans sourate At-Tawbah du verset 67 au verset 73, et on a commencé à mentionner certaines caractéristiques des hypocrites, al-munafiqoun. Maintenant, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il explique et il dit que depuis que Allah subhanahu wa ta'ala a suscité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a fait la hijra vers la ville de Médine, al-Madina, al-Munawwara, al-Nabawiya, les gens sont devenus trois groupes, trois catégories. Les croyants ou le croyant, l'hypocrite et le mécréant. Donc ça, c'est les trois catégories qu'on pouvait retrouver dans la ville de Médine par rapport à la foi, par rapport à leur position vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, al-kafir, le cheikh, il dit en ce qui concerne le mécréant, c'est-à-dire celui qui expose et qui montre ouvertement sa mécréance et son kufr, son cas est clair, hein, son cas est clair, puisque il est mécréant et il montre sa mécréance, donc son cas est clair. Mais le but dans lequel ou pour lequel on est en train de parler aujourd'hui, c'est surtout le cas du non, mais le but de ce que le cheikh explique ici est relié aux caractéristiques des hypocrites, al-munafiqin, qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Et c'est en réalité cette catégorie, c'est-à-dire la catégorie des hypocrites, des munafiqoun, ceux qui cachent leur mécréance et qui font penser aux gens ou croire aux gens que ce sont des croyants, c'est cette catégorie qu'on doit craindre par rapport à la Ummah. Hein, c'est eux qui représentent en réalité un objet de crainte et un danger pour la Ummah et pour les musulmans. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage. Il dit أي أنه لما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة ودعا الناس إلى الإسلام انقسم الناس في مكة إلى قسمين مؤمن وكافر ثم لما هاجر إلى المدينة وقويت شوكة الإسلام ظهر صنف ثالث وهم المنافقون الذين أخفوا كفرهم وأظهروا إسلامهم خوفا من المسلمين فصار الناس بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام مؤمنون وكافرون ومنافقون فالنفاق إنما كان في المدينة ولم يكن في مكة والسبب أن المسلمين في مكة كانوا ضعفاء فلا حاجة بالكفار إلى أن يخفوا كفرهم وهذا بعكس ما حصل في المدينة من النفاق حيث إن الكفار كانوا هم الأضعف فأظهر المنافقون الإسلام لأجل أن يعيشوا مع المسلمين ويحافظوا على أنفسهم وأموالهم فاتخذوا الإسلام جنة يتسترون به كما قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله أي قولهم نشهد أنك لرسول الله. Donc le Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec le message de l'islam, et qu'il a appelé les hommes à l'islam, les hommes se sont divisés à Mecca en deux catégories. Il y a eu les croyants et il y a eu les mécréants. Puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a par la suite fait la hijra vers la ville de Médine, et que yani, l'islam est devenu plus fort, on a vu apparaître trois catégories. Hein, et ce sont les hypocrites, ceux qui ont caché leur mécréance, et qui ont fait paraître l'islam, hein, parce qu'ils avaient peur des musulmans, donc ils cachent leur mécréance et ils laissent croire aux gens qu'ils sont des musulmans. Ensuite, il y a donc c'est ça. Ça c'est la catégorie yani, qui est apparue à Médine, qui n'existait pas à Mecca. Hein? Les gens, donc après la hijra, sont devenus trois catégories, des mu'minoun, des kafiroun et des munafiqoun. Donc c'est la catégorie qui n'existait pas à Mecca. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit que al-nifaq, le fait de cacher sa mécréance et de montrer sa foi, ou de faire paraître qu'on a de la foi alors que dans le cœur il y a de la mécréance, il dit ça c'est uniquement quelque chose qui est apparu à Médine, qui n'existait pas à Mecca, et la raison pour laquelle les musulmans à Mecca n'avaient pas connu les munafiqines, ne connaissaient pas le nifaq, c'est parce que les musulmans étaient en position de faiblesse et qu'ils étaient minoritaires. Donc ils n'avaient aucun besoin de cacher, il y en a ceux qui ne croyaient pas en l'islam n'avaient aucun besoin de cacher leur mécréance, c'est plutôt le contraire qui se produisait, c'est les croyants parfois qui avaient peur pour leur foi. Tandis que à Médine, c'est le contraire qui s'est produit, c'est-à-dire que on a vu apparaître à Médine du nifaq, hein, de l'hypocrisie, du fait que les kuffars, c'était eux qui étaient en faiblesse à Médine. Hein, c'est eux qui étaient en faiblesse et en minorité. Alors ils ont montré ou ils ont laissé paraître l'islam, alors qu'en réalité, ils n'y croient pas. Hein, ce sont des hypocrites, des munafiqoun. Et ils ont agi de cette manière dans le but de pouvoir vivre avec les musulmans et pour pouvoir se préserver eux-mêmes ainsi que leurs biens. Et donc ils ont pris l'islam comme un bouclier. Ils ont utilisé l'islam, hein, non pas comme une foi et comme non pas comme une foi pour y croire et pour l'accepter avec sincérité dans le cœur et pour le mettre en application, mais ils ont utilisé l'islam comme un bouclier pour se protéger, hein, et pour se couvrir avec. Et donc, ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à leur sujet dans Surat al-Munafiqun, le verset 3. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ils ont pris leur serment comme un bouclier, hein, comme une protection pour obstruer le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, » ils ont utilisé ça comme un moyen pour obstruer le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour le bloquer. Et c'est-à-dire, quand on parle de serment, ou leur serment, c'est quoi? C'est-à-dire leur témoignage que, quand ils disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Donc ça, c'était leur témoignage. Mais c'est un faux témoignage, hein, pour eux, puisqu'ils n'y croient pas vraiment. Le cheikh, il dit ensuite, « والمسلمون إنما يقبلون من الناس الظاهر ويعاملون الناس بما يظهرون أما الباطن فإنما يعلمه أو يعلمه علام الغيوب قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه وحسابه على الله والله فالله هو الذي يتولى السرائر وأما نحن فلا نعلم البواطن ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم إيمان المنافقين لأن المقصود هو كف شرهم وأما الإيمان فهو بيد الله يؤتيه من يشاء والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنح الإيمان قال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فإذا أظهر الإسلام وانكف شرهم بقوا على كفرهم في الباطن فهذا ضرره عليهم. Donc le cheikh il explique, il dit que les musulmans ils acceptent les gens d'après ce qu'ils laissent paraître et d'après ce qui est apparent. Ils jugent ou ils traitent les gens selon ce que les gens laissent montrer d'eux, de leur personne, de leurs actions et de leurs paroles. Qu'est-ce qui est apparent? Et ils agissent avec les gens, hein, les musulmans agissent avec les hommes de la façon dont par rapport à qu'est-ce qu'ils voient, par rapport à qu'est-ce qui est apparent, par rapport à qu'est-ce qu'ils entendent de la personne. En ce qui concerne l'intérieur et qu'est-ce qui est dans le cœur et les intentions et la foi, ça c'est quelque chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et le cheikh il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit: j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et celui qui l'a dit, il devient protégé contre moi dans ses biens et sa personne. Et son jugement en revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a témoigné de la ilaha illallah et qu'elle a fait preuve de, c'est-à-dire elle a témoigné de ce qu'elle croyait, et bien à partir du moment que la personne témoigne et dit la ilaha illallah, et bien à partir de ce moment-là, quand elle dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et bien on doit accepter d'elle son islam et on doit accepter d'elle ce qui est apparent. Du moment qu'elle dit la ilaha illallah et qu'elle le met en application, eh bien, pour nous, c'est là que ça s'arrête. Cette personne, elle devient protégée dans ses biens et dans sa personne. En ce qui concerne son intérieur, est-ce qu'elle est sincère, est-ce qu'elle n'est pas sincère, est-ce qu'elle est hypocrite, est-ce qu'elle est... Hein? Ça, c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait, et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui en jugera. Hein? Et c'est exactement ça. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a la décision par rapport à qu'est-ce qui est intérieur et qu'est-ce qui est caché. Et nous, on ne connaît pas ce qui est caché à l'intérieur des cœurs. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque des hypocrites venaient vers lui pour témoigner ou faire une allégeance, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait d'eux. Hein? Il acceptait d'eux leur témoignage. Il acceptait d'eux leur allégeance. Hein? Pourquoi? Parce que et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait réellement s'ils sont sincères ou non. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait les hypocrites. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui avait révélé l'identité et les noms et les personnes qui étaient hypocrites. Il les connaissait. Donc quand quelqu'un venait vers lui pour témoigner ou pour faire pour accepter l'islam ou pour faire un serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, Allah subhanahu wa ta'ala lui révélait s'il était un hypocrite ou non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait, d'accord, mais il n'agissait pas vis-à-vis d'eux, hein, il n'agissait pas vis-à-vis de ces hypocrites selon ce qu'il avait comme connaissance du raïb à leur sujet. Il les traitait plutôt selon les règles apparentes de ce qu'ils montrent, hein, et il les traitait comme étant des musulmans du moment qu'ils avaient laissé paraître et montrer leur islam. Et le cheikh, il explique c'est quoi le but, hein, quelle est la raison dans ça et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait ainsi envers les hypocrites. Eh bien, c'est que du moment qu'ils laissent paraître leur foi et qu'ils prétendent être musulmans, eh bien, nous sommes en quelque sorte protégés contre leur mal. Hein? En ce qui concerne la foi, eh bien, ça c'est quelque chose qui est entre les mains d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala donne la foi à qui il veut. Même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas donner à quelqu'un la foi s'il ne la possède pas et si Allah ne lui a pas donné. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit justement dans Surat Al-Qasas, le verset 56, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. C'est-à-dire, tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Donc c'est Allah qui guide et non pas le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le verset 56 dans Surat Al-Qasas. Donc si quelqu'un montre qu'il est dans l'islam et qu'il est musulman et qu'on est préservé contre son mal, hein, à partir de ce moment-là, donc s'il reste sur la mécréance dans son cœur, eh bien le mal en fait, le tort qui en revient, c'est uniquement contre lui, hein, c'est uniquement à lui-même qu'il se fait du tort. Amma, il dit le cheikh, qawluhu فأما الكافر وهو المظهر للكفر فأمره بين يعني أن الكافر أمره بين وظاهر وعداوته معلنة للجميع وأما المنافق فهو المقصود هنا بالبيان لخطورة المنافقين على المجتمع المسلم لا سيما والمنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويعلمون في الخفاء ويعملون في الخفاء للنيل من المسلمين فصار خطرهم أشد من الكفار الأصليين لأن الكفار الأصليين يعرفهم المسلمون ويأخذون حذرهم منهم أما المنافقون فالمسلمون ينخدعون بهم لأنهم يظهرون حبهم للمسلمين وحرصهم عليهم وهم يكيدون لهم بالباطن وينشرون الشر والفتنة ولذلك قال تعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique la suite de la parole de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, lorsque Ibn Taymiyyah a dit que, en ce qui concerne l'affaire du mécréant, eh bien, son affaire, elle est claire. C'est-à-dire que le kafir, son cas est clair. Hein? Son animosité envers les musulmans et envers l'islam, elle est apparente. Tandis que l'hypocrite, Al-Munafiq, hein, eh bien, c'est lui dont on veut clarifier le cas ici à cause du danger, hein, des munafiqines, à cause du danger qu'ils représentent, envers la société musulmane. Et en particulier, que les munafiqines sont des gens qui se disent musulmans et qui montrent qu'ils sont musulmans et qui cachent leur mécréance et qui travaillent en sourdine, hein, ou en secret pour faire du tort aux musulmans. Et donc, à cause de ça, leur mal et leur danger est beaucoup plus grand que le danger qui vient de la part des mécréants de base, ceux qui sont à la base mécréants. Parce que les gens qui sont à la base des koufars, et qui sont des koufars à la base, donc on connaît ces gens-là, et on prend nos précautions, hein, vis-à-vis d'eux, hein, et on est sur nos gardes vis-à-vis d'eux. Tandis que les hypocrites, al-munafiqoun, les musulmans peuvent facilement être trompés, hein, par eux, parce que ce sont des gens qui montrent qu'ils sont musulmans et qu'ils aiment les musulmans et qu'ils ont qu'ils veulent du bien pour l'islam et pour les musulmans. Donc ces gens-là rusent en réalité en sourdine et en cachette, hein, ils font semblant, en apparence ils montrent qu'ils sont musulmans et qu'ils aiment l'islam et qu'ils veulent du bien, puis en cachette ils détestent l'islam et les musulmans, et ils veulent en réalité tout faire pour essayer de détruire l'islam et faire du tort aux croyants. Et ils propagent le mal et la fitna parmi les musulmans. Et donc c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce sont eux qui sont l'ennemi. Ce sont eux l'ennemi. C'est-à-dire les vrais ennemis, c'est eux. Que Allah les maudisse. Et comment pourrait-il revenir, hein? Comment pourrait-il revenir? Donc ça, c'est le verset 4 dans surat Al-Munafiqoun, dans lequel Allah dit ce qui signifie ce passage à la fin. Donc le Cheikh, il explique ensuite, Cheikh al-Islam, il dit « فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من بعض وقال في المؤمنين بعضهم أولياء بعض » Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset qu'on a cité plus tôt dans le cours précédent, le verset dans surah At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à propos des hypocrites qu'ils sont les uns des autres, hein? Tandis que à propos des croyants, il dit qu'ils sont les uns alliés des autres. Donc Cheikh Al-Fawzan, il clarifie cette différence là et ce point, cette subtilité là il dit والمقصود من هذا الكلام ان صفات اهل النفاق لاعتقادي هي التي تخاف على اهل القبلة فالمؤمن لا يمكن ان ينافق نفاقا اعتقاديا ابدا وانما قد يقع في النفاق العملي وذلك اما بالكذب في الحديث او اخلاف الوعد أو الفجور في الخصومة فهذه من صفات المنافقين النفاق العملي وقوله فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من بعض يعني يشبه بعضهم بعضا في الكذب والخبث والنفاق وقال في المؤمنين بعضهم أولياء بعض بمعنى أنهم يحب بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض ويتولى بعضهم أمور البعض الآخر فهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر. Donc le Cheikh, il dit, qu'est-ce qui est le but ici et l'objectif de cette parole, c'est en fait que les caractéristiques des gens de l'hypocrisie qui ont l'hypocrisie dans la croyance, c'est celle qu'on craint, yani, pour les gens de la Qibla. C'est celle qu'on craint pour les gens de la Qibla. Parce que le croyant, il n'est pas possible, yani, de voir apparaître chez lui. C'est-à-dire que c'est pas possible que de la part d'un croyant qu'il ait une hypocrisie, yani, qui est dans la croyance, comme l'hypocrite qui cache sa mécréance et qui montre sa foi. Non, si c'est un croyant, il ne va pas tomber dans l'hypocrisie majeure. Yani, c'est pas dans le sens que c'est pas possible qu'un croyant tombe dans la mécréance puis devienne un munafiq. Non, c'est possible, hein, que Allah nous en préserve, mais ça ne va pas venir volontairement d'un mu'min de commettre un acte de nifaq majeur, yani, volontairement, yani, de lui-même. Yani, tu vas jamais voir ça. Ça, c'est qu'est-ce qui est possible qu'on retrouve chez le mu'min, c'est des formes de nifaq dans l'action, c'est-à-dire des formes de nifaq mineures. Comme par exemple, tu peux trouver des mensonges chez un mu'min. C'est possible que tu as trouvé, par exemple, chez un croyant, parfois un mensonge dans une parole, ou bien qu'il manque à une promesse qu'il a faite, ou bien qu'il fait preuve d'injustice ou de perversité dans une dispute, ou quand il a une argumentation avec quelqu'un. Tout ça, c'est des formes de caractéristiques ou des caractéristiques de l'hypocrisie, mais c'est de l'hypocrisie dans l'action, des hypocrisies qu'on appelle nifaq al-amali, et c'est des formes d'hypocrisie mineure, hein, de nifaq mineure, qui ne font pas sortir de la religion musulmane, qui fait que la personne reste toujours quand même musulmane, croyante, sauf qu'on dit, bon, on va dire que sa foi est affaiblie par ça, parce que c'est des péchés. Mais tandis que le vrai munafiq, c'est celui qui, yani, dans son cœur, n'a pas de foi du tout, hein, et qu'il fait croire aux gens qu'il est musulman. Donc, le cheikh, il dit, qawluhu, quand Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les hypocrites en disant qu'ils sont les uns des autres, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent les uns les autres dans le mensonge, dans la méchanceté, dans l'hypocrisie, dans le mal qu'ils ont en eux-mêmes. Donc ça, c'est dans ce sens-là que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ils sont les uns des autres, c'est-à-dire ils sont les uns comme les autres. Tandis qu'à propos des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'ils sont les uns alliés des autres. C'est-à-dire qu'ils s'aiment entre eux. Ils s'aiment les uns les autres. Et ils ont chacun de l'affection les uns pour l'autre. Et chacun veut essayer de s'occuper des affaires des autres. Donc ils sont comme un seul corps. Lorsque une partie ou un membre du corps te fait mal, eh bien, tout le reste du corps veille dans la fièvre, hein, et la douleur. Donc, c'est pour dire que les musulmans sont comme un seul corps, tandis que les hypocrites, eux, sont tous un comme les autres, c'est-à-dire pareil dans leur mensonge et dans leur hypocrisie, et ainsi de suite. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُنَافِقِينَ تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ وَأَعْمَالُهُمْ وهم مع ذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فليست قلوبهم متوادية ليست قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه أو يؤمونه أو نعم إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم ثم يتخلى بعضهم عن بعض فليست قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم ثم يتخلى بعضهم عن بعض. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah, il explique ici que les hypocrites, leur cœur et leurs actions se ressemblent. Et malgré tout, ils sont tels que Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans Surat al-Hashr, le verset 14, lorsqu'il dit ce qui signifie « Tu les penses tous ensemble, hein, tu les penses être unis, alors que leurs cœurs sont divisés. » تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Donc leur cœur ne s'aime, yani dans leur cœur ils ne s'aiment pas, hein, ils ne sont pas alliés les uns aux autres et ils ne s'aiment pas les uns les autres. Mais quand ils ont des intérêts communs, tant qu'ils ont des intérêts communs, ils vont être ensemble, puis ils vont travailler ensemble parce qu'ils ont des intérêts communs. Puis une fois que leurs intérêts ne sont plus les mêmes, eh bien chacun se s'éloigne ou laisse tomber l'autre. Et ils se détachent tous les uns des autres. Donc ça, c'est la réalité de yani, l'attitude des hypocrites. Et ça, ça montre en même temps yani, que l'attitude des gens de Bid'a et de Hizbiya, c'est yani, l'attitude en réalité des hypocrites. Puisque lorsqu'ils disent, par exemple, que dans leur slogan, comme le slogan des Ikhwan, on s'unit, où on travaille les uns les autres et on collabore entre nous dans les choses sur lesquelles on est d'accord, puis on s'excuse les uns les autres sur nos divergences ou les choses sur lesquelles on diverge, hein, ça c'est leur slogan, c'est leur règle d'or qu'ils suivent, et bien c'est la règle des munafiqines en réalité, puisque lorsqu'ils ont des intérêts communs, ils travaillent ensemble, hein, puis ils s'excusent sur leurs erreurs, même si c'est dans les fondements de la croyance et les fondements de la foi, mais aussitôt que leurs intérêts n'ont plus rien en commun, hein, et qu'ils ont fini de faire ce qu'ils voulaient faire ensemble, eh bien, ils se séparent chacun de leur côté, hein, et ils se divisent tous. Donc ça, c'est la réalité de ces gens-là. Le Cheikh Al-Fawzan il dit يعني أنك ترى المنافقين مجتمعين فتظن أنهم متآلفين مجتمعين وهم في حقيقة الأمر متفرقون لأن الذي جمعهم إنما هو تشابه قلوبهم في الحقد على الإسلام والمسلمين. Donc le Cheikh il dit, toi tu vas voir par exemple les hypocrites unis ensemble. Hein, tu penses qu'ils s'aiment tous les uns les autres et qu'ils sont tous réunis et tous unis ensemble. Mais en réalité, ils sont tous divisés parce que ils se sont réunis ensemble uniquement à cause de la ressemblance de leur cœur dans leur haine contre l'islam et les musulmans. Hein, et donc ça nous donne une vraie image de la réalité de ce qui se passe chez les koufars. C'est-à-dire que toi tu penses que les koufars sont tous unis et qu'ils se sont en train d'unir. Il y en a même des musulmans parfois qui disent oh regardez les Européens, les koufars, yani, ils font l'unification de l'Europe et des pays européens, l'Union européenne, hein, ils éliminent leurs frontières et ci et ça. Donc toi tu dis bon c'est comme des signes, comme si on dirait ils sont tous unis, mais la réalité c'est que ils sont tous divisés et qu'ils se détestent tous les uns les autres, même alors qu'ils sont même des koufars, yani, hein, mais même dans le kouf, yani, même s'ils sont tous dans la même égarement, mais ils se détestent tous les uns les autres pareil, et même parfois, à l'intérieur d'un même pays, tu les retrouves en train de se détester entre eux et ils veulent même parfois se séparer et se diviser. Hein. Donc ça, c'est des exemples de la réalité, de ce qu'on retrouve chez les koufars qui prétendent montrer une image d'union et d'unité, alors qu'en réalité, ils ne sont pas unis du tout. Hein. Ils sont tous divisés et ils se détestent. Et donc, la seule chose qui les réunit, c'est leur haine contre l'islam et les musulmans. Et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté même chez les koufars dans plusieurs pays de l'Europe et même ici en Amérique du Nord, que les koufars, lorsqu'ils ont un projet, hein, pour s'unir entre eux, ils utilisent les musulmans comme yani un bouc émissaire pour yani justement pouvoir se rallier les uns avec les autres autour de la haine de l'islam et contre les musulmans. Allah al-musta'an. Parce qu'il n'y a rien qui peut les unir entre eux, puisqu'ils se détestent tous les uns les autres et qu'ils sont tous indifférents les uns envers les autres. Mais lorsqu'ils parlent de l'islam et des musulmans et qu'ils commencent à critiquer les musulmans et l'islam, tout d'un coup, c'est un moyen qu'ils ont trouvé pour se rallier et s'unir entre eux contre l'islam. Allah musta'an. Le cheikh il dit ensuite wa qawluhu falaysat qulubuhum mutawadda mutawaliya. Il explique la parole de cheikh l'islam illa ma dama al-gharad alladhi yu'ammunahu mushtarakan yani anna qulubahum ma tawaddat wa lan tatawadd وإنما هم يجتمعون عندما يكون لهم هدف مشترك أو مأرب أو مأرب يسعون لتحقيقه فإذا حصل فإنهم يتفرقون ولأنه قد حصل المقصود الذي جمعهم ثم يعودون إلى التفرق والتشتت ويتخلي بعضهم عن بعض إذا حصل الغرض الذي اجتمعوا من أجله. Donc le cheikh il explique que comme cheikh l'islam Ibn Taymiyyah a dit que eux, yani leur cœur, dans leur cœur il n'y a pas d'amour les uns envers les autres et ils ne se supportent pas les uns les autres réellement. Mais c'est uniquement parce qu'ils ont un intérêt commun et un but commun temporaire. Donc le cheikh Al-Fawzan, il dit, c'est-à-dire que leur cœur, ils ne s'aiment pas entre eux. Ils ne vont jamais s'aimer les uns les autres. C'est uniquement parce qu'ils ont un but qu'ils veulent atteindre, qui est commun, et ils essaient de le réaliser. Et une fois qu'ils ont réussi à le concrétiser ou à l'obtenir, eh bien, ils se divisent encore une fois, parce qu'ils ont obtenu, yani, ou ils ont atteint le but pour lequel ils se sont réunis. Puis ils retournent ensuite à leur division et à leur séparation, et ils se séparent tous ensuite les uns des autres. Ils se séparent tous ensuite les uns des autres. Naam. Parce qu'ils ont eu la chose pour laquelle, ou ils ont obtenu l'intérêt, ou ils ont rempli l'intérêt pour lequel ils s'étaient rassemblés ou réunis. Ensuite, le cheikh il explique, cheikh l'islam ibn Taymiyyah, il dit, بخلاف المؤمن, بخلاف المؤمن, فإنه يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب. وإن تناءت به الديار وتباعد الزمان ثم وصف الله سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعمالهم في أنفسهم وفي غيرهم وكلمات الله جوامع. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah il dit dans le passage numéro 97, il dit contrairement aux croyants, c'est-à-dire l'hypocrite, il agit de cette façon comme on l'a décrit, tandis que le croyant c'est le contraire, et c'est différent de ça. Puisque le croyant, il aime le croyant, et il défend et supporte le croyant même en son absence, même quand il n'est pas présent. Et même si il est dans une demeure ou un pays différent, même s'il était écarté ou séparé dans le temps et dans l'espace, ou dans le lieu, malgré tout, yani le croyant, il aime le croyant et il défend le croyant. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a décrit chacun des deux groupes selon les actions qu'ils avaient, en eux-mêmes et qu'est-ce qu'il y avait chez les autres. Donc chacun des deux groupes a été décrit par leurs actions en eux-mêmes et chez l'autre. Et les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des résumés. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne des paroles qui sont courtes, qui sont simples, mais qui renferment beaucoup de significations et beaucoup de... Yani Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole est la meilleure des paroles et la plus complète des paroles. Donc, il utilise peu de mots, mais qui ont de grandes significations. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit « يعني أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض في المحبة والنصرة سواء كانوا متعاصرين أو كان بعضهم متقدما والآخر متأخرا قال سبحانه وتعالى يصف هذه الميزة التي يتميز بها المؤمنون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وسواء كانوا متجاورين في المساكن أو أم كانت تفصل بينهم الحدود والمسافات الشاسعة فإنهم يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا لأن هذا من مستلزمات الإيمان قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فالمؤمنون إخوة على اختلاف الزمان والمكان. Donc le cheikh il explique, il dit que c'est-à-dire que les croyants ils sont alliés les uns des autres dans l'amour, dans la défense, dans le support qu'ils se donnent les uns des autres, les uns les autres, peu importe hein, qu'ils soient dans la même époque, ils vivent aux mêmes époques, c'est-à-dire s'ils vivent à la même époque, ou qu'ils vivent à des époques différentes, ou que certains aient précédé d'autres, et que d'autres soient à une époque plus tardive dans l'histoire. Hein? Peu importe, ils s'aiment et ils se défendent tous quand même les uns les autres. Et le cheikh, il explique et il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié cette particularité par laquelle le croyant se distingue. Il dit, comme c'est mentionné dans le verset 10, dans Surat Al-Hashr, que ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après qui ? Après les muhajirin et les ansar, c'est-à-dire après les premiers croyants, après les sahaba. Donc ceux qui viennent après eux, ils disent, c'est-à-dire dans leurs invocations, lorsqu'ils demandent à Allah, lorsqu'ils invoquent Allah, ils disent, notre Seigneur pardonne à nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Donc ça c'est pour dire que les croyants, ils s'aiment entre eux, même s'ils vivent à des époques différentes et à des époques séparées. Et c'est comme j'expliquais Yanni dans un des cours précédents que en réalité la Umma c'est une seule Umma Yanni et que peu importe si elle est divisée ou dans le sens qu'elle est séparée dans le temps ou dans l'espace, mais c'est quand même une seule et une unique Umma. Hein? C'est quand même une seule et unique nation. Elle se sépare pas dans le temps, elle se sépare, et même si elle est séparée dans le temps, elle est quand même une seule et unique umma, une seule et unique nation. Et même si elle est séparée dans le lieu ou dans l'espace, eh bien, c'est quand même une seule et unique umma. Même si c'est des gens qui viennent de peuples différents, d'origines différentes, de couleurs différentes, de langues différentes, ils sont tous des frères. Peu importe qu'ils soient des gens qui sont de demeures voisines ou qui sont séparés par des frontières ou par des grandes distances dans le temps, ou dans l'espace, ils s'aiment tous les uns les autres. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils s'aiment tous les uns les autres. Et ils se défendent tous les uns les autres. Parce que cela fait partie des choses qui sont impliquées par la foi. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. Donc les croyants sont des frères, peu importe les différences dans le temps et dans le lieu ou dans l'espace. قوله ثم وصف سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعمالهم في أنفسهم وفي غيرهم يعني وصف الله كل من الطائفتين طائفة المنافقين وطائفة المؤمنين بصفاتهم المميزة فقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم وقال في المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله فهذا وصف الطائفتين في كتاب الله أو هذا وصف الطائفتين في كتاب الله عز وجل. Donc le cheikh il explique la suite de la parole de Cheikh al-Islam quand il dit que Allah a décrit chacun des deux groupes par leurs actions en eux-mêmes et chez les autres. Il dit c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit chacun des deux groupes, le groupe des croyants et le groupe des hypocrites par les caractéristiques qui les distinguent. Et il dit par exemple dans le verset 67 dans Surat At-Tawbah à propos des munafiqin, il dit les hypocrites, hein, les hypocrites hommes et femmes, ils sont les uns yani comme les autres. Ils s'ordonnent le mal et ils interdisent le bien. Et ils retiennent leurs mains, c'est-à-dire par avarice. Et ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des croyants, les croyants et hommes et femmes, ils sont les uns alliés des autres. Ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal, et ils établissent la salat, et ils donnent la zakat, et ils obéissent à Allah et à son messager. Donc ça c'est la description des deux groupes dans le livre d'Allah. نعم. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il continue et il dit وذلك أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين أحدهما أن يعمل ويترك والثاني أن يأمر غيره بالفعل والترك ثم فعله إما يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع أحدها ما يقوم بالعامل ولا يتعلق بغيره كالصلاة مثلا والثاني ما يعمله لنفع غيره كالزكاة والثالث ما يأمر غيره أن يفعله ويكون الغير هو العامل وحظه هو الأمر به. Naam. Donc ça c'est le passage numéro 98. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il explique que en ce qui concerne les actions que quelqu'un fait et qui sont reliées à sa religion, elles sont de deux catégories. La première catégorie qui est reliée au fait d'agir ou de ne pas agir ou de cesser l'action, et la deuxième qui est reliée au fait d'ordonner à quelqu'un d'autre de faire une action ou de ne pas faire une action. Puis ensuite, l'action elle-même, soit qu'elle ait un bienfait pour elle-même, c'est-à-dire un bienfait pour la personne, ou que ce soit un bienfait pour quelqu'un d'autre. Et donc, dans cette catégorisation, on voit qu'il y a trois catégories qui n'acceptent pas de quatrième. La première catégorie, c'est qu'est-ce que la personne fait elle-même comme action et qui n'a pas de lien avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il n'y a pas de conséquences ou de répercussions pour quelqu'un d'autre. Comme par exemple la salat. Tu fais la salat, c'est pour toi. Et c'est un bien qui est pour toi-même. Le deuxième, c'est ce que tu fais pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Comme par exemple, quand tu donnes la zakat, eh bien c'est un bienfait que tu fais qui aide quelqu'un d'autre. Et la troisième catégorie, ce que tu ordonnes à quelqu'un d'autre de faire. Et donc, cette autre personne, c'est elle qui fait l'action, et toi, tu as un bien dans le sens que tu lui as ordonné de le faire. Donc ça c'est ta part, c'est ta portion. Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, et il dit... أي أن أعمال المؤمن على قسمين أعمال خاصة به لنفسه يعملها ويقوم بها وأعمال عامة له ولغيره فمثلا الصلاة من الأعمال الخاصة التي يقوم بها الإنسان فهي عمل بدني ولا يجوز أن يقوم به غيره أما الأعمال العامة فهي كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيتاء الزكاة فهي أعمال عامة تتعدى الشخص إلى غيره فمثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يتعدى نفعه إلى الغير وتعليم العلم النافع والصدقة يتعدى نفعهما إلى الغير وإنما يفعلون هذه الأعمال التي تتعدى إلى غيرهم لأنهم يحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم وهذا من الأمور التي تعبدنا الله بها قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نعم donc le cheikh explique ici il dit que donc il résume la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il explique que les actions du croyant sont de deux catégories des actions que tu fais pour toi-même hein, des actions que tu fais par toi-même et les actions yani, qui sont générales qui sont pour toi et pour quelqu'un d'autre en même temps qui font du bien à toi-même et à quelqu'un d'autre il dit l'exemple comme par exemple la salat, ça fait partie des actions qui sont particulières, que tu fais hein, toi-même et yani, c'est une action du corps et c'est pas permis que quelqu'un la fasse à ta place tu dois la faire toi-même et tu la fais pour toi-même tandis que les actions générales hein, qui font du bien à toi-même et aux autres aussi c'est comme par exemple le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal de donner la zakat ça c'est des choses qui dépassent ta personne hein, qui c'est un bien qui dépasse ta propre personne comme par exemple lorsque tu ordonnes le bien ou que tu interdis le mal et bien ça ramène un bienfait aux autres pas seulement à toi et quand tu enseignes la science qui est bénéfique et que tu donnes une sadaqa et bien ça c'est un bien que tu fais pour les autres et la raison pour laquelle les croyants font des actions qui font du bien aux autres et qui dépassent leur propre personne c'est parce qu'ils aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes et ça fait partie des affaires que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire pour l'adorer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Anas ibn Malik selon Al-Bukhari et Muslim par Al-Bukhari et Muslim selon Anas ibn Malik il dit que personne n'est croyant ou nul d'entre vous ne sera croyant tant qu'il n'a pas aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même et il dit ensuite Cheikh al-Islam قال سبحانه في صفات المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وبإزائه في صفة المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله ونهى عنه Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il compare donc la description que Allah a faite dans le Coran des croyants et des hypocrites et il mentionne que dans le verset qu'on a lu tout à l'heure Allah dit à propos des munafiqines qu'ils ordonnent qu'est-ce qui est munkar qu'est-ce qui est mauvais et qu'ils interdisent qu'est-ce qui est ma'ruf qu'est-ce qui est bon et yani, en parallèle à ça on voit que les croyants c'est le contraire les croyants ordonnent ce qui est bien et interdisent ce qui est mal et le cheikh explique que le mot ma'ruf en arabe c'est un mot qui comprend tout ce que Allah aime parmi les actes de et parmi les choses qui ont rapport avec la foi et les actes de bien les bonnes œuvres que tu fais tandis que le munkar c'est un mot arabe qui comprend tout ce que Allah déteste et tout ce qu'il a interdit maintenant cheikh al-Fawzan il commente ça et il dit المنافقون يأمرون بالمنكر المنكر هو كل فعل قبيح وعمل شنيع وينهون عن المعروف والمعروف هو كل خير وكل طاعة فانظر إلى انتكاس فطرتهم وسوء طويتهم فهم ينهون عن كل فضيلة وكل خلق قويم ويأمرون بكل رذيلة لا تزال هذه الطائفة هذا دأبها هذا دأبها إلى يومنا هذا فها هم المنافقون اليوم يصفون المسلمون بأوصاف هي في حقيقتها حسنة لكنهم لانتكاس فطرتهم وحقدهم يرونها قبيحة لأنهم يريدون نشر كل سوء ويصفون المسلمين بالرجعية والإرهاب. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique ici que les hypocrites, donc ils ordonnent qu'est-ce qui est munkar, et le munkar c'est tout ce qui est laid, tout ce qui est mauvais, hein? Et ils interdisent qu'est-ce qui est al-ma'ruf, et al-ma'ruf c'est tout ce qui est bon et tous les actes d'obéissance. Et donc ça, ça montre que leur fitra, leur nature a été renversée, hein? Elle voit les choses à l'envers. Ça c'est à cause du fait que ce sont des gens qui aiment le mal. Malheureusement, ils interdisent tout ce qui est bon, tout ce qui est méritoire et tout ce qui est un bon comportement, et ils ordonnent ce qui est mauvais, ce qui est laid, ce qui est bas. Et tu vois ce groupe-là, ça a toujours été leur habitude jusqu'à aujourd'hui. Et donc tu vois que les hypocrites, même aujourd'hui, quand ils parlent des musulmans, ils les décrivent par des choses qui sont en réalité des choses bonnes, mais à cause de leur nature qui a été corrompue, et à cause de la haine qu'ils ont, eh bien, ils voient que ce sont des choses mauvaises, hein. Et ils veulent propager tout ce qui est mal, et ils décrivent les musulmans comme étant des gens qui sont rétrogrades et des gens qui sont terroristes ou des choses comme ça, hein. Et ça, il y a plein d'exemples à notre époque, hein. On a juste à allumer la télé ou regarder dans le journal, et puis on trouve plein d'exemples de ce genre de choses là et même parfois de la part de certains qui se disent musulmans qui critiquent par exemple le hijab ou des choses comme ça. Le cheikh il dit ensuite wa qawluhu al-ma'ruf ismun jami' al-ma'ruf ma ta'rifuhu al-uqul as-salima wal-fitr al-mustaqima وهو كل ما أمر الله به من الخير والبر والإحسان والمنكر كل ما نهى الله عنه سمي منكرا لأنه تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة. Donc en ce qui concerne al-ma'ruf, ça c'est comme on l'a dit, c'est un nom qui comprend tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, et c'est-à-dire tout ce que la raison qui est saine accepte et reconnaît comme étant bon, et qu'est-ce que la nature, quand elle est droite, qu'est-ce qu'elle considère comme étant quelque chose de bien, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-ma'ruf. Et c'est en réalité tout ce que Allah a ordonné de faire comme bien, comme bonté, et comme il y a tout ce qui a rapport avec le bien. Tandis que le mal, al-munkar, c'est tout ce que Allah a interdit. Il l'a appelé munkar. Pourquoi Allah l'a appelé munkar? Parce que c'est quelque chose que la raison saine et la nature propre qui est droite, elle rejette. Hein? C'est comme si elle ne reconnaît pas. Donc ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, par rapport aux caractéristiques qui sont mentionnées dans le verset à propos des munafiqin, il dit « ثم قال ويقبضون أيديهم قال مجاهد يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله وقال قتادة يقبضونها عن كل خير فمجاهد أشار إلى النفع بالمال وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن وقبض اليد عبارة عن الإمساك كما في قوله تعالى فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وفي قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ أو هي مجاز مشهور. Donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il mentionne dans le passage numéro 100, hein, que les munafiqin, une de leurs caractéristiques, comme Allah le mentionne dans le verset 67 dans sourate At-Tawbah, c'est qu'ils ferment leurs mains. ils retiennent leurs mains, c'est-à-dire, comme ça a été dit par Mujahid, qu'ils ils ferment leurs mains, c'est-à-dire ils ne donnent pas fisabilillah, ils ne font pas de charité ou d'aumône. Tandis que Qatada, un autre parmi les tabi'in, il a dit, ils ferment leurs mains de tout ce qui est bien, c'est-à-dire ils refusent de faire tout ce qui est bien. Donc, Cheikh Islam, il mentionne que Mujahid a montré le bienfait dans l'argent, qu'il refuse de donner du bien dans l'argent, et Qatada a indiqué que non, ce n'est pas seulement l'argent qu'il refuse de donner, mais tout ce qui est bien, même si c'est physique, quelque chose de physique ou de faire quelque chose de bien avec leur personne. Et donc, le fait de fermer la main, c'est une expression qui indique le fait de retenir, hein, de retenir quelque chose. Et donc, Allah, il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ne laisse pas ta main, ne ferme pas ta main jusqu'à ton cou, ne retiens pas ta main jusqu'à ton cou, et ne l'étends pas complètement non plus. » C'est-à-dire pour expliquer que, ça c'est le verset 29 dans Surat al-Isra, que si tu donnes en charité, tu ne dois pas tout donner ce que tu as, et tu ne dois pas non plus retenir tout, mais tu dois être modéré par rapport à ça. Et le verset 64 dans Surat al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que les Juifs ont dit que la main d'Allah est fermée, dans le sens qu'ils accusent Allah subhanahu wa ta'ala d'être avare et de ne pas donner de sa richesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond en disant que leurs mains soient fermées et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit. Hein? Et après il dit, certes, ces deux mains sont grandes ouvertes, ils donnent comme ils veulent de ses richesses. Donc ça c'est une expression, يَقْبِدُونَ أَيْدِيَهُمْ, qui est une expression connue, hein? Et c'est apparent dans son sens, hein, ou bien il dit soit que c'est une allégorie qui est célèbre, c'est une expression symbolique célèbre. Après, Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce point-là, il dit « Ma'na qawluhu ta'ala wa yaqbiduna aydiyahum ay annahum yabkhaluna bis-sadaqati wal-infaqi fi sabilillah li'anna al-infaq يشار إليه ببسط اليد والبخل يشار إليه بقبض اليد فهذه صفة اليهود وهي صفة المنافقين فإنهم يقبضون أيديهم عن الصدقات وقيل بما هو أعم من ذلك أنهم يقبضون أيديهم عن كل خير. نعم. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit la signification du verset quand Allah subhanahu wa ta'ala dit yaqbiduna aydiya wa yaqbiduna aydiyahum, c'est-à-dire ils font preuve d'avarice, hein, ils ne veulent pas donner en charité, ils ne veulent pas donner en aumône, ils ne veulent pas dépenser dans le sentier d'Allah. Et al-infaq, le fait de dépenser de ce que Allah nous donne, on le représente parfois par le fait d'avoir la main ouverte. Quand tu dis à lui, sa main est ouverte, en voulant dire, c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Tandis que l'avarice et le fait d'être avare, de pas donner, ça c'est souvent exprimé par le fait d'avoir la main qui est fermée. Et c'est une des caractéristiques des Juifs, et c'est également une caractéristique des hypocrites, hein, qui ferment leurs mains parce qu'ils refusent de donner des sadaqat ou des aumônes et de faire charité. Et on dit également, comme on a mentionné dans la parole de Qatada, que ça peut être même plus général que ça. C'est pas seulement l'avarice dans l'argent, c'est aussi le fait de fermer nos mains dans tout ce qui est bien, de refuser de participer ou d'aider dans le bien. وقد صور الله صورة البخيل فقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فالمقصود هنا النهي عن البخل فالبخيل قد قبضت يده عن الإنفاق والمنفق قد بسطت يده في الخير قال تعالى ولا تبسطها كل البسط أي لا تبسط بالإنفاق كل البسط حتى تبلغ حد الإسراف بل المقصود الوسط وهو ما بين القبض والبسط بأن يتوسط الإنسان ويعتدل في الإنفاق فلا يبخل ولا يسرف وهذا من صفات عباد الرحمن أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'exemple de la personne avare et il dit c'est yani, le fait de ne, comme Allah il dit ne garde pas ta main attachée à ton cou hein, accrochée à ton cou et ça veut dire quoi ici? Ça veut dire l'interdiction d'être avare et la personne qui est avare c'est comme si elle avait fermé sa main hein, par rapport à la dépense, elle ne veut pas dépenser. Et la personne qui donne en charité, eh bien, c'est celle qui a ouvert sa main hein, dans le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ne l'ouvre pas totalement ou complètement, ne tend pas ta main complètement, c'est-à-dire, ne laisse pas ta main tendue dans la dépense et dans le fait de donner, au point où ça devient yani, de l'extravagance ou de l'exagération. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est que on doit donner de manière modérée, hein, entre le fait de retenir sa main et de l'attendre complètement, c'est-à-dire que la personne doit être équilibrée et modérée dans sa façon de donner et de dépenser, de pas être avare, mais de pas non plus être extravagant puis exagéré dans la dépense. Et ça fait partie des caractéristiques des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les serviteurs du tout miséricordieux, c'est-à-dire Ar-Rahman, Ibad Ar-Rahman. Dans Surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala, il les décrit par une série de descriptions, puis parmi ces descriptions-là, il y a dans le verset 67, lorsqu'il dit, et lorsqu'ils dépensent, ils ne font pas preuve d'exagération, et ils ne font pas non plus preuve de retenue exagérée non plus, au point de faire preuve d'avarice, mais ils sont entre les deux, hein, ils sont modérés dans leurs dépenses. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit وَبِإِزَاءِ قَبْضِ أَيْدِيَهُمْ فِي قَوْلِهِ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَيُبْتُونَ الزَّكَاةِ فَإِنَ الزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ صَارَتْ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً فِي الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ فَإِنَّهَا اسْمٌ لِكُلِّ نَفْعٍ لِلْخَلْقِ و يعني من نفع بدني أو نفع مالي فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné les deux parallèles entre les hypocrites et les croyants par rapport au fait que certains, les croyants ordonnent le bien, interdisent le mal, que les munafiqines font le contraire. Ici, après avoir mentionné après au sujet des munafiqines qu'ils retiennent leurs mains, il dit à propos des croyants, justement par rapport à l'attitude des hypocrites, que les croyants, eux, c'est le contraire, ils donnent la zakat. C'est-à-dire, ils donnent de leur bien, de leur argent. Et même si, il dit, même si la zakat, c'est devenu une réalité qui est relié à la charia et qui représente la zakat obligatoire que le croyant doit donner dans l'islam, mais en même temps ça représente quelque chose qui signifie de faire du bien à toute la création, à toutes les créatures d'Allah, que ce soit un bien physique ou un bien matériel dans la richesse ou dans l'argent ou autre. La zakat, ça représente ça. Et c'est, dans les deux sens, quelque chose qui montre qu'on s'oppose à la caractéristique des hypocrites qui, eux, ferment leurs mains. Le cheikh Al-Fawzan, il commente à ce sujet-là et il dit « يعني أنه يقابل قبض المنافقين أيديهم وهو كناية عن البخل نعم إيتاء المؤمنين الزكاة الزكاة على قسمين زكاة الأموال وزكاة الأعمال والأنفس بطاعة الله وعبادته سبحانه بمعنى تطهيرها وتكميلها بطاعة خالقها. فالزكاة حقيقة شرعية في المال في الزكاة المالية، ولكنها أعم من ذلك، فتشمل كل نفع وإن لم يكن ماليا، فتكون بهذا الاعتبار حقيقة عرفية، لأن الحقائق ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. أو يكون حمل الزكاة على ما هو أعم من زكاة المال من باب المجاز المعروف عند البلاغيين. Donc le cheikh il explique que qu'est-ce qui est décrit ici, c'est qu'est-ce qui est en opposition avec la caractéristique des hypocrites qui sont avares et qui ne veulent pas donner. Et bien ici on mentionne des croyants qui donnent la zakat, et c'est comme on a dit en deux catégories: la zakat dans l'argent et la zakat que tu donnes dans tes actions et dans ta personne. Ça aussi ça fait partie de la zakat. Même parfois les ulama ils mentionnent la zakat de la science, c'est-à-dire quand quelqu'un il a appris une science qui est bénéfique, qu'il l'a fait partager aux autres, ça c'est une forme de zakat dans ce sens-là aussi. Et donc c'est-à-dire que comme il dit ici, tu purifies ta personne et tes actions et ton argent, et tu l'augmentes en obéissant ton créateur. Et donc en faisant ça tu la purifies. Donc la zakat c'est une réalité qui est connue dans la charia, du fait qu'on connaît que c'est de donner une portion de ton argent pour les pauvres. Donc ça c'est la zakat dans le sens de la charia, mais dans le sens qui est coutumier on peut dire qu'il a une signification plus large que ça, puisqu'il est employé pour beaucoup d'autres choses aussi, c'est-à-dire de tout ce que tu fais de bien ou que tu donnes du bien, eh bien c'est comme si tu donnais la zakat en faisant ce bien-là. Et il explique que les réalités sont de trois catégories: la réalité linguistique, la réalité dans la charia et la réalité coutumière par rapport à la façon dont on utilise un mot dans le langage commun. Et donc on peut dans ce sens-là prendre la zakat dans un sens plus général que qu'est-ce qu'on connaît habituellement dans la zakat de l'islam, de l'argent par exemple. Ensuite Cheikh al-Islam il dit en terminant l'explication du verset, ثم قال نسوا الله فنسيهم ونسيان الله ترك ذكره بإزاء ذلك قال في صفة المؤمنين يقيمون الصلاة فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع، وقد يدخل فيها كل ذكر لله إما لفظا وإما معنا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق. وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم تسبيح، مدارسة العلم تسبيح. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit à propos de la description des hypocrites, il dit Allah, ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. L'oubli d'Allah, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait qu'ils cessent de se souvenir d'eux ou de se rappeler d'eux. On a expliqué au dernier cours par rapport à ça que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié ici, c'est pas quelque chose qui est semblable à l'oubli chez les créatures ou chez les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala il est parfait, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit justement à propos de sa personne la yadillu rabbi wa la yansa. Allah subhanahu wa ta'ala il n'oublie pas contrairement aux êtres humains, mais l'oubli ici on parle plutôt d'un abandon, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala les abandonne parce qu'ils ont oublié Allah. Et ça, c'est une rétribution pour leur comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en décrivant les croyants, par opposition à cette attitude des hypocrites qui, eux, oublient Allah, les croyants, eux, non, ils n'oublient pas Allah, au contraire, ils établissent la salat. Et la salat, elle, dans son sens aussi, elle dépasse la signification qui est connue dans la charia seulement du fait d'établir les salats obligatoires ou qui sont recommandées. On peut même utiliser le terme salat pour mentionner tout ce qui a rapport avec le rappel d'Allah, soit le fait de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, en mentionnant son nom et en mentionnant son rappel dans les paroles, ou bien même dans la signification du rappel d'Allah, c'est-à-dire comme l'exemple de la quête de la science, ou de mentionner la science de l'islam et de l'étudier. Et il mentionne à ce sujet-là des paroles des salafs, comme la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quand il dit tant que tu te rappelles d'Allah, tu es en salat. C'est comme si tu étais en prière, même si tu es dans le marché, même si tu es dans le marché en train d'acheter, de vendre dans le souk. Yani, du moment que tu te rappelles d'Allah, c'est comme si tu étais dans ta salat. Et Mu'adh ibn Jabal, un autre parmi les sahaba, radiyallahu anhu, il disait, le fait d'étudier entre vous la science, eh bien, bien entendu la science de l'islam, c'est comme si vous étiez en train de yani, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et faire le tasbih. Donc ça, c'est quelque chose qui montre la grandeur de ce genre d'adoration. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.